L'invité Silla par Jules Renard. Comme il descendait du train, M. Silla fut pris d'inquiétude. « Me voilà bien, dit-il, j'ai oublié d'apporter quelque chose pour les petites filles. » L'accueil de ses hôtes ne s'en ressentit pas d'abord. Toute la famille Bornet était à la gare. Les petites filles gambadant, levant les bras, frappant des mains, firent plusieurs fois, sans en avoir l'air, le tour de M. Silla. Il ne cachait aucun paquet derrière son dos. Mais un homme peut mettre autant de choses dans ses poches que les petites filles espérèrent encore avant de se désoler. Cependant, Madame Bornet ne cessait de répéter « La bonne visite, quelle paresseuse au fait, il y a 2 ans que vous nous promettez de venir, on ne comptait plus vous voir dans notre humble hameau. » Et elle ajoutait « Ah, la campagne, ce n'est pas la ville, tant s'en faut. » Et M. Silla répondait « J'aime mieux la campagne que la petite ville de province. » Il admirait tout. Le jardin, ici d'agrément et là de rapport, cultivé par M. Bornet lui-même, qui se lève et se couche selon le soleil et fume sa pipe sur ce banc. L'écurie et son cheval, tour à tour de sel et de trait, brave bête, abattant sa lieue comme une autre, malgré son air de rien. Nous l'avons acheté d'occasion, avec les harnais à notre chiffre par-dessus le marché. Voici les poules, qui nous pondent chaque jour des œufs frais. Les lapins, qui mangent plus qu'un bœuf et qu'on fait manger aux amis tombés du ciel. Les pigeons, inutiles, mais si jolis à suivre de l'œil quand ils volent et déroulent dans l'air leurs guirlandes nuancées. Un cochon économique, oui, économique, je vous expliquerai ça. Enfin le puits. Son eau est la meilleure du village. Tout le monde y vient en chercher. Les gens défilent du matin au soir. Nous le regardons comme notre richesse, car pour nous, la campagne sans eau ne serait plus la campagne. Penchez-vous prudemment. Quant à cette pompe, elle marche dans la perfection. Essayez. Soudain, les petites filles, que M. Silla ne caressait plus et qui perdaient l'espoir, se mirent à pleurer. Madame Bornet les prit dans un coin, leur chuchota longuement à l'oreille et leur dit, tout haut d'une voix grondante, « Oh, que c'est laid, les vilaines !» Mais elle les plaignait. Elle aussi avait compté pour les petites filles sur une surprise, un bibelot sans valeur, un sac de bonbons, si peu que ce fût, mon Dieu. Et froissée dans son cœur de mère, elle dissimulait à peine un léger désappointement. Elle fit les honneurs avec moins d'entrain. D'ailleurs, M. Silla connaissait presque toute la maison. Il avait trouvé un mot aimable pour chaque agrément et pour chaque commodité. Restait le point de vue. « Ceci te concerne, » dit à son mari Madame Bornet, comme déjà lasse. M. Bornet parut de ses bras, écarté des branches et dit « Moi, je n'aime que la plaine. Dans les pays de montagne, j'étouffe. Il me semble que, serré entre deux banquettes, je ne peux plus allonger mes jambes à mon aise. « Magnifique horizon, » dit M. Silla, distrait. Il comprenait pourquoi les petites filles avaient pleuré. Il sentait naître une hostilité chez Mme Bornet, tandis qu'avec affectation, elles s'obstinaient à tamponner leurs yeux rouges et dépiter contre elles trois et contre lui, il ne laissait tomber de sa langue alourdie que de rares paroles. M. Bornet même souffrait de la gêne commune, sans en deviner les causes. « Ces gens sont étonnants, » pensa bientôt M. Silla. Quelques matins, on cède à leurs instants de prière, on va les voir dans leurs trous, on se lève de bonne heure, on se bouscule, on avale en wagon un mélange de poussière, de fumée et d'insectes. Le voyage coûte 4 fois plus cher que le déjeuner qu'ils offrent, et pour que rien ne manque à cette partie de plaisir, si on ne les comble de riches cadeaux, au mépris des convenances, ils boudent. Soit qu'ils boudent. De mon côté, je ferai la moue, et au café, je me frappe subitement le front. Il en jaillit un prétexte et je file. « Monsieur Silla, voulez-vous avoir l'extrême bonté de passer à table ?» dit Madame Bornet, sur ce ton qu'on ne réussit d'ordinaire qu'avec un pince-nez. Elle mit les hors-d'œuvre en circulation. Un peu honteuse de ses petites filles, qui reniflaient trop fort et n'avaient plus faim, elle exagérait auprès de Monsieur Silla les politesses d'usage. Et les anchois, pour leur part, tournaient sans s'arrêter comme dans un cirque, quand la bonne apporta une feuille à signer et une boîte carrée, ficelée proprement, et adressée aux demoiselles Bornet. Avant de l'ouvrir, Madame Bornet, hésitant, demanda « Qu'est-ce que ça peut être que ça ?»« Je ne sais pas, » dit M. Bornet, et les petites filles dirent, le visage coloré d'une bouffée de rose « Oh, dépêche-toi, maman !» La boîte, pleine jusqu'au bord d'angélique en bâton, venait de Paris, d'une marque célèbre, mais aucune carte, ne donnait le nom de l'expéditeur, aucune lettre ne l'avait annoncé. Mystérieuse sur la table, elle déployait tout grande ses ailes de dentelle, et les petites filles n'osaient y toucher. Droite, réveillée, De la langue, elles se léchaient leurs lèvres fines. Monsieur et Madame Bornet s'interrogeaient. « Qui diable nous l'envoie ? Connais-tu quelqu'un à Paris, toi ?»« J'y connais une foule de gens, et je n'y connais personne, personne, du moins à qui je dois prêter cette attention délicate. » Ils levèrent les yeux sur leur invité. « Aidez-nous, monsieur Silla. Permettez que je m'abstienne, » dit-il, haussant les épaules. « Du reste, je ne trouve pas cette énigme de très bon goût. » Volontiers, il lui dépréciait la boîte. Mais Madame Bornet reprit d'inspiration. « J'y songe. Vous en venez aussi, vous, de Paris ? Feriez-vous le cachotier par hasard ? Je ne comprends pas. Comment ? Quoi ? Vous me soupçonnez ? » dit monsieur Silla. « Oh, cher ami, » dit monsieur Bornet, « vous répondez en coupable. Vous détournez la tête. Vous riez dans votre barbe. Avouez tout. Hier encore, nous affirmions que d'apparence bourrue, vous êtes au fond le meilleur des hommes. « Sérieusement, vous croyez que c'est moi ?» dit monsieur Silla. « Nous ne le croyons pas, nous en sommes sûrs. »« Bon, entendu, je ne vous contrarie pas, puisqu'il vous plaît que je joue le rôle de vil usurpateur. »« À la bonne heure, » dit madame Bornet. « Ma parole, un moment, je doutais presque. » Je me disais, « Pourquoi la boîte arrive-t-elle seule après lui ?» Et je me répondais, « Semblable aux autres hommes, il déteste porter des paquets. »« Cordialement, » dit monsieur Silla. « Et puis, » dit monsieur Bornet, « la boîte, sans doute, n'était pas prête. » Souvent, les commis de magasin n'en finissent plus. « Oui, » dit monsieur Silla. « Enfin, la voici. Nous l'avons, c'est le principal. »« Eh bien, fillette, » dit madame Bornet, « on n'embrasse plus monsieur Silla, qui pense si gentiment à nous. » Les fillettes, portant la boîte, offrirent à baiser leurs joues illuminées et à goûter les bâtons d'Angélique Berthe. « Merci, » dit monsieur Silla. « L'Angélique Maker. Seulement, je savais que vous l'adoriez. Gardez tout. » L'appétit retrouvé, les petites filles commencèrent de pecter, de pépier comme de moineaux après la berce. Elles sucèrent d'autant plus d'angélique exquise et délicieuse que du bout des dents et de bouche à bouche, elles cassaient les bâtons montés sur fil de fer. Et les fils de fer, qui tendaient raides les gestes de chaque convive, se brisèrent aussi. Pour se punir d'avoir méchamment jugé son hôte, Madame Bornet l'accabla de prévenance, cette fois réelle. Suivant avec docilité l'exemple, M. Bornet emplit l'assiette de son meilleur ami. M. Silla se laissait soigner, tantôt confus, tantôt vengé, amusé par cette réparation d'honneur imprévue. Toutefois, il fit une dernière concession à ses scrupules. « Si pourtant, chers amis, j'abusais de votre confiance, si quelque jour se découvrait le véritable expéditeur, que de quiproquo ! Ensuite, quelle juste colère contre moi ! Mais je vous aurais prévenu et je m'en lave les mains. » « Crois-tu qu'il est entêté, hein ?» dit M. Bornet à Mme Bornet. « Il recommence, de grâce. Assez, mon vieux camarade, la plaisanterie se fane. Reprenez plutôt de ses aubergines. »« J'en ai jusqu'ici, » dit M. Silla. « Allez toujours, le flot de la bouteille au chapeau d'argent les fera couler. »« Oh, du champagne, bigre, mince de noces. »« Ah, dame, » dit M. Bornet, « nous recevons peu, mais quand nous recevons bien. » C'était l'invité Silla par Jules Renard.